إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، aujourd'hui, le 25 du mois de Ramadan de l'année 1439 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous rassemblons dans cette mosquée, la mosquée de Vulaine, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, pour se rappeler les uns les autres les principales caractéristiques des gens de la sunna et du groupe. C'est bien comme ça que nous avons intitulé l'assise de ce soir, les principales caractéristiques des gens de la sunna et du groupe Ahl Sunnati wal Jama'a. Après cette brève introduction qu'on appelle Khutbat al-Haja, Khutbat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, par laquelle commençait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ensemble de ses sermons et de ses exhortations, nous avons une deuxième introduction à commencer de savoir pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé ses messagers et a fait descendre ses livres. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son livre وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, nous n'avons pas envoyé avant toi de messager sans que nous lui révélions qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est moi, adorez-moi donc. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans un verset: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dans le sens approximatif de ces paroles, il dit tabaraka wa ta'ala, nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager afin qu'il leur dise: adorez Allah et écartez-vous de الطَّاغُوت. Et ces messagers, lorsqu'ils étaient envoyés à leur communauté, il les appelait à l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et sans associé, et il les appelait à réformer leurs croyances. Il les appelait à réformer leurs croyances et il leur apprenait à se remettre à Allah Azza wa Jal pour se préserver des troubles. Et les troubles, comme nous l'expliquent nos savants, sont de deux sortes. Fitnatu shubuhat, les troubles qui ont attrait aux ambiguïtés, ou fitnatu shahawat, les troubles qui ont attrait aux passions. Et les savants de nous dire, comme ce grand imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, que les troubles les plus dangereux sont les troubles qui ont attrait aux ambiguïtés, fitnatu shubuhat, car c'est par celle-ci que Shaytan la'natullah alayh et ses alliés œuvrent à emmener et à ramener avec eux les adorateurs d'Allah tabaraka wa ta'ala vers l'association à Allah azza wa jal, qui est le plus grand des péchés subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous convient de savoir ici que une des choses les plus importantes pour le musulman, c'est d'apprendre les règles de sa religion, les règles qui régissent sa religion, ainsi que ce qui a trait à sa croyance, à son dogme, l'aqida. C'est la chose la plus importante pour le musulman. Et toute chose qui est obligatoire pour toi de connaître, toute chose qui est obligatoire pour toi de faire, de vrai dans ta religion, c'est obligatoire aussi pour toi de le connaître et de l'apprendre. Donc la chose la plus importante pour toi, avant toute chose, avant toute œuvre dans la religion d'Allah Azzawajal, c'est de la connaître, c'est la science, le fait d'apprendre cette chose. Comme le dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, dans son sahih, son recueil authentique, bab, al-ilm, qabl al-qawli wal-amal, la porte de la science avant la parole et les œuvres. Donc avant de vrai ou de dire une parole dans la religion d'Allah Azzawajal, il te convient d'apprendre cette chose. Et une deuxième chose, nous apprenons la croyance authentique, la croyance qu'avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avec laquelle il est venu, avec laquelle son Seigneur tabaraka wa ta'ala l'a envoyé. Cette croyance à laquelle il a appelé et à laquelle a appelé as-sahaba, ses compagnons, radhiyallahu alayhim ajma'in, et nous apprenons en même temps ce qui va à l'encontre de cette croyance. Ce qui va à l'encontre de cette croyance et ce qui l'annule. Et sur cela, nous avons la parole de ce compagnon, Hudaifah ibn al-Yaman, radiallahu anhu, qui dit « Kana al-nasu yas'aluna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam an il-khayr, wa kuntu as'aluhu an il-shar, makhafata an yudrikani. » Il dit dans le sens approximatif de ces paroles, les gens demandaient et interrogeaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et je l'interrogeais sur le mal par peur qu'il ne m'atteigne. Donc lorsque nous apprenons notre croyance, la croyance sur laquelle était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons, radhiyallahu alayhim ajma'in, nous prenons exemple sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui demandaient, l'interrogeaient sur cette croyance, la croyance authentique, l'aqidatu sahiha, le dogme authentique, et nous prenons aussi exemple sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parfois lui demandaient sur le mal, c'est-à-dire sur l'inverse de cette croyance authentique, donc celle qui vient l'annuler, celle qui n'est pas authentique. Une chose à savoir, c'est que cette religion, dans ses assises de science, d'où nous l'apprenons ? Nous l'apprenons du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala en premier lieu, ensuite de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu pour éclaircir le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et l'expliquer. Et nous prenons aussi notre religion des savants de la sunna, des savants qui sont connus et reconnus parmi les gens de la sunna, des grands imams de la sunna et de ceux qui les ont suivis dans le bien. Et pour terminer cette introduction, le fait que la manière des gens de la sunna dans l'explication de la religion est la manière dont avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'expliquer sa religion, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, à ses compagnons. Et pour illustrer cela, nous n'avons pas de meilleur exemple que le hadith qui est appelé hadith de Jibril, le hadith de Jibril alayhi salam, qui se trouve dans le recueil authentique de l'imam muslim, rapporté par Ibn Umar, rapporté aussi par Abu Huraira radiallahu anhu, dans une version différente dans le sahih de l'imam al-Bukhari. C'est un hadith qui est authentique, parmi les hadiths les plus authentiques qui sont rapportés. Ce hadith, je pense que vous le connaissez tous, celui qui a appelé hadith Jibril, où un jour un homme est venu dans la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Umar rapporte cela de son père Umar ibn Khattab radiallahu anhu, et Umar de rapporter ce hadith et de dire qu'un jour vint un homme dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme que les gens de Médine ne connaissaient pas, donc il pensait que c'était un voyageur, mais il avait des habits très blancs et des cheveux très noirs, c'est-à-dire qu'il n'apparaissait pas sur ses vêtements ni sur ses cheveux qu'il était en voyage, il n'y avait pas de poussière dessus. C'était quelque chose de très étonnant pour eux, quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui est habillé comme les gens de la ville, qui n'est pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il n'a pas de trace de voyage sur lui. Et il est venu s'asseoir auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda, il lui dit « Ya Muhammad, akhbirni anil iman. » « Oh Muhammad, informe-moi sur la foi. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'informer sur la foi. Et cela en présence de nombre de ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam. Et cette personne qui est venue lui poser la question était Jibril alayhi salam, qui connaît très bien la réponse, mais il est venu pour apprendre la religion aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de cette méthode-là, c'est-à-dire des questions-réponses, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dira à la fin du hadith, que cette personne est Jibril, il est venu à vous pour vous enseigner votre religion. La première question qu'il lui posa, c'est cette question sur la foi. Informez-moi de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, la foi, c'est que tu crois à Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et en la prédestination, bonne ou mauvaise. Ces six points, ces six piliers qui forment les piliers de la foi, arkan ou l'iman, qui sont les piliers vers lesquels tout prêcheur et tout appeleur à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala doit se conformer et doit appeler. C'est-à-dire que ça, c'est les règles et les grandes lignes sur lesquelles doit se conformer celui qui veut prêcher la religion d'Allah Azza wa Jalla, qui veut appeler à cette dernière. Il commence par appeler à la foi en Allah, connaître son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, savoir ce qu'il veut de lui, la foi en ses anges, la foi en ses messagers, en ses livres, la foi au jour dernier et la foi en la prédestination bonne ou mauvaise, c'est-à-dire ce qui résume l'aqida, c'est-à-dire la croyance, le dogme du musulman. Ensuite, il lui demanda, « Ya Muhammad, akhbirni anil islam, ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. » Il lui a rappelé les cinq piliers de l'islam, et en commençant par « Al-Shahada »« Antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah » Et c'est bien la première chose, le premier pilier vers lequel on appelle toute personne, qu'il soit musulman ou non musulman. C'est-à-dire le non-musulman, on commence par l'appeler à Al-Shahadatayn, les deux attestations de foi, et le musulman lui apprend, le musulman qui veut apprendre sa religion, nous lui apprenons à bien comprendre ces deux attestations de foi qu'il dit à maintes et maintes reprises durant sa journée. Et il convient donc, comme on vient d'expliquer, à tout prêcheur de se conformer à cela, d'appeler en premier lieu à adorer Allah Azza wa Jalla seul et sans associé, à expliquer la croyance véridique, la croyance des gens de la Sunna, et ensuite après cela expliquer le reste des piliers de l'islam. Et c'est le seul tartib, c'est la seule manière que le prêcheur doit emprunter, c'est-à-dire c'est le seul chemin que le prêcheur doit emprunter lorsqu'il désire prêcher la religion d'Allah et appeler à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est la manière qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire ainsi aux sahaba, et c'est la manière que cet ange Jibril alayhi salam a enseigné aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le titre de l'assise de ce soir est bien les principales caractéristiques des gens de la sunna et du groupe Ahl sunnah wal jama'ah. On va expliquer ces principales caractéristiques en 10 points. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire les points, on va expliquer les points qui nous seront facilités d'expliquer. Et on verra pour une deuxième partie de cette assise, Inch'Allah ta'ala, peut-être la semaine prochaine. Le premier point, dans les grandes lignes, les principales caractéristiques qui caractérisent les gens de la sunna et du groupe Ahl sunnati wal jama'ah, ce point qui est leur position face aux attributs d'Allah et la croyance à avoir face à elle, c'est-à-dire mawqifuhum min sifat Allah azza wa jalla, leur position face aux attributs d'Allah et la croyance que tout à chacun doit avoir face à elle, les attributs d'Allah, ou à eux pardon, les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le résumé de la croyance des gens de la sunna par rapport aux attributs de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala est le fait qu'il leur incombe d'affirmer tout attribut qu'Allah s'est affirmé à lui-même ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à son Seigneur tabaraka wa ta'ala, sans négation, ce qu'on appelle ta'til, sans altération, ce qu'on appelle tahrif, sans anthropomorphisme, ce qu'on appelle tamthil, et sans explication du comment, ce qu'on appelle takif. Ça, c'est un résumé de la croyance des gens de la sunna par rapport aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, les noms sont les choses, comme le dit ce grand savant Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, ce sont les choses par lesquelles Allah azza wa jalla s'est nommé, et les attributs, ce sont les choses par lesquelles Allah azza wa jalla s'est décrit dans son livre ou les noms par lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a nommé son Seigneur tabaraka wa ta'ala dans sa sunnah, et les attributs, les choses par lesquelles il l'a décrit tabaraka wa ta'ala dans sa sunnah. Ça, c'est un résumé de la croyance des gens de la sunnah face aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire, on le répète encore une fois, d'affirmer tout attribut qu'Allah azza wa jalla s'est affirmé à lui-même et que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé sur son Seigneur tabaraka wa ta'ala sans négation, ta'til, ni altération, tahrif, ni anthropomorphisme, tamthil, ni explication du comment, takif. Et tout cela car Allah azza wa jalla ne ressemble pas à son serviteur comme il le dit dans son livre tabaraka wa ta'ala laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir, c'est-à-dire dans le sens approximatif de ses paroles, rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, l'omniscient. Il dit aussi dans son livre tabaraka wa ta'ala dans la sourate du monothéisme, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Une sourate que l'ensemble d'entre nous connaît par cœur, parcurise nos enfants comme cela la parcurise, et c'est une sourate qui est très grande et très importante. C'est une sourate, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, qui équivaut au tiers du Coran, c'est-à-dire que si tu l'auras récité, c'est comme si tu auras récité un tiers du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, car elle contient des trésors et des sens immenses. Dans le sens approximatif de ces paroles, Allah dit, il dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré et n'engendre pas non plus, et nul n'est égal à lui. Et la révélation de cette sourate est une histoire qui est rapportée dans le livre de Sunan de l'imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala, avec une chaîne de transmission qui est jugée authentique par Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, qui est rapportée par Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, où il rapporte que les gens du livre sont venus voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé de lui décrire son Seigneur. Ils lui ont dit Siflana Rabbak, décris-nous qui est ton Seigneur, décris-nous ton Seigneur, donne-nous les attributs, explique-nous comment il est ton Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'attendre et de patienter avant de leur répondre, lui, Allah azza wa jalla, lui révéla, lui fit descendre cette sourate, sourate Al-Ikhlas, qui est celle que nous venons de lire, et c'est de cette manière qu'il a décrit son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc si tu veux décrire ton Seigneur azza wa jalla, cette sourate le décrit de la meilleure des manières. Dit Allah azza wa jalla, dit à son messager, dans le sens approximatif de ses paroles, dit, il est Allah l'unique, Allah le seul être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a pas engendré et n'a non plus été engendré, et nul n'est égal à lui. Aussi, cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, c'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. En arabe, donc ce verset est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa lillahi al-asma'u al-husna fad'uhu biha. C'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux, invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Ceux qui profanent ses noms, les savants ont expliqué cela, le fait de profaner, yulhiduna fi asma'i, que l'ilhad, le fait de profaner les noms d'Allah, comme on le traduit communément en français, il est de plusieurs sortes. Et ces sortes-là, ce sont les sortes que j'ai évoquées au début de l'explication de ce point. C'est le fait de nier les attributs d'Allah, at-ta'til, ou de les altérer par at-tahrif, ou de faire de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de dire que Allah azzawajal ressemble dans ses attributs à ses créatures, c'est-à-dire at-tamthil, ou expliquer le comment sont les attributs d'Allah azzawajal, c'est-à-dire at-takif, de dire que tel ou tel attribut est comme cela ou comme cela. Et bien sûr, la croyance des gens de la sunna que nous venons d'évoquer est quelque chose qui a été rapporté de l'ensemble des grands imams de la sunna. Et ils expliquent cela par le fait que Allah Azza wa Jal, tu ne l'as pas vu et personne ne l'a vu, tabaraka wa ta'ala. Donc comment peux-tu décrire une chose qui n'a pas été vue? Et comme cela explique le fait que les attributs d'Allah Azza wa Jal sont le fait d'expliquer les attributs d'Allah Azza wa Jal, comment sont les attributs d'Allah Azza wa Jal, cela découle du fait d'expliquer comment est Allah tabaraka wa ta'ala lui-même. Tu ne peux pas expliquer comment est Allah tabaraka wa ta'ala lui-même, donc tu ne pourras pas expliquer comment sont ses attributs. Aussi, la parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, où il dit dans le sens approximatif de ses paroles, j'affirme à Allah ce que lui-même s'est affirmé et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé. Et je nie à Allah, c'est-à-dire je n'affirme pas ou j'affirme que cela ne fait pas partie de ses attributs, ce que lui-même s'est nié ou a nié pour sa propre personne et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié pour lui, c'est-à-dire ne lui a pas affirmé ou a affirmé que cela ne faisait pas partie de ses attributs. Et comme cela, l'ensemble des attributs d'Allah Azza wa Jal. Par exemple, l'attribut d'Allah Azza wa Jal qui est Al-Ulu, c'est-à-dire l'élévation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Si tu demandes à n'importe quel enfant parmi les musulmans, tu lui dis Aïn Allah, où est Allah Tabaraka wa Ta'ala, elle te dira Fis-sama, Allah il est au ciel, il est dans les cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Et comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à cette servante. Cette servante qui, lorsqu'il lui a posé cette question, où est Allah, elle a dit, Fis-sama. Et lorsqu'il lui a dit, qui, donc c'est-à-dire aux cieux, et qui je suis moi, et elle lui a répondu, tu es le messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ce compagnon de lui rendre sa liberté du fait qu'elle a réussi cet examen que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait passer, le fait de demander où est Allah. Elle l'a bien réussi en lui disant qu'il était aux cieux et qui je suis moi, tu es le messager d'Allah. Encore une fois, elle a bien réussi cet examen, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ordonner celui qui l'a possédé de la laisser libre, de lui rendre sa liberté. Et comme cela, nous avons la parole de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, l'imam de la ville de Médine. Ce grand imam, l'imam Malik ibn Anas al-Asbahi, rahimahullah ta'ala, qui, lorsque lui, une personne est rentrée dans la mosquée, qui était donc la mosquée où il donnait ses cours, rahimahullah ta'ala, qui est la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la ville de Médine, et lui a posé cette question sur al-istiwa, c'est-à-dire. Al-istiwa, c'est une chose que parfois dans les livres comme la traduction approximative du Coran, ils la traduisent comme le fait de s'être établi sur le trône. Ar-Rahman wa al-Arsh istawa. Il s'est établi sur le trône. Et généralement, ils laissent le mot comme il est, istiwa, car c'est quelque chose qui est très difficile d'expliquer en français. Et ils le mettent dans la marge de dire c'est établi. Donc, al-istiwa, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. On dit que Allah istawa ala arshihi. Allah, il s'est istawa, c'est-à-dire il s'est établi, comme certains peuvent le traduire, sur son trône. Ceci est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Cette personne est rentrée auprès de l'imam Malik dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé, il lui a dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Le très miséricordieux s'est établi, istawa, sur son trône. Il lui a dit comment s'est-il établi? Il a posé la question du comment. Kayfa stawa? Et l'imam Malik de lui répondre que al-istiwa ou ma'loum, al-istiwa c'est quelque chose de connu, ou al-kayfu majhoul, le fait de dire comment il s'est établi c'est quelque chose qui nous est inconnu, ou al-su'al anhu bid'atun, et le fait de demander sur cela comment s'est-il établi c'est une innovation dans la religion, une hérésie. Et ensuite, il a ordonné aux gens de le faire sortir de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a eu peur que cette personne fasse des troubles, soit un trouble pour les gens et crée des troubles chez les gens de par ce genre de questions. Ces questions qui n'ont pas été posées ni par les compagnons, ni par ceux qui les ont suivis dans le bien, à l'époque du meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, les savants nous disent que cette réponse de l'imam Malik, rahimahullah, qui est un de nos grands savants, un des grands savants, des gens de la Sunna, parmi ces grands savants, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed et autres que l'imam Al-Bukhari, wa Muslim, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, wa Nasa'i, wa Abu Dawud, etc. Rahimahumullah. Et bien cet imam l'imam Malik, cette réponse qu'il a donnée, c'est une règle pour nous, les gens de la sunna. Chaque attribut, si une personne te demande comment, explique-moi, donne-moi une explication de cet attribut, comment est-il, et bien tu lui réponds de cette manière-là. C'est-à-dire que chaque attribut qu'Allah Azza wa Jalla nous a évoqué dans le Coran, ou que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a évoqué dans sa sunna, c'est quelque chose de connu. Le sens est connu car il a été révélé le Coran dans une langue arabe claire. Les Arabes connaissent cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme cela, l'attribut de l'yad, c'est-à-dire la main. Eh bien Allah Azza wa Jalla nous parle de ses mains, qu'il a deux mains dans le livre d'Allah, dans son livre Tabaraka wa Ta'ala. Et ceci est sa parole à lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en parle aussi dans sa sunna. Comment peux-tu expliquer cette main? Cette main, tu ne l'expliques pas, c'est un attribut d'Allah Azza wa Jalla. Donc, le mot main est quelque chose de connu chez les Arabes, car le Coran a été révélé dans une langue arabe claire. Donc le mot main, c'est quelque chose qui est connu. Et le comment? Comment est cette main? C'est quelque chose qui est inconnu. Pourquoi c'est quelque chose qui est inconnu? Comme nous l'avons rappelé précédemment, car tu n'as pas vu Allah Azza wa Jalla. Donc tu n'as pas pu voir comment sont ses attributs. Donc tu ne peux pas expliquer comment est une chose que tu n'as pas vue, tout simplement. Et le mot main, donc c'est une chose qui est connue. Est-ce que le mot main, lorsque tu dis qu'Allah Azza wa Jalla a sorti une main, comme il le dit, il le dit lui-même dans son livre Tabaraka wa Ta'ala, ses deux mains sont ouvertes largement et disposent de ses bienfaits largement. Comment peux-tu expliquer le mot main? Eh bien, c'est quelque chose, c'est un mot qui est connu. Et est-ce que le fait de dire qu'Allah a une main, ça veut dire que sa main est comme celle de ses serviteurs? Personne ne dira cela. Comme le fait de dire que toi, serviteur d'Allah, tu as une main, eh bien, ça ne veut pas dire que cette main est comme Yadou al-Ba'ir. Al-Ba'ir, c'est-à-dire le chameau, ou Yadou al-Qitta, le chat. Le chat, on appelle ça une main, ce qu'il a dans la langue arabe. C'est un Yad. Mais, ou c'est une yette, mais cette main-là, bien sûr, ne ressemble en rien à la main d'un être humain. Et comme cela, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Et Allah Azza wa Jal est bien sûr plus élevé que cela, et ce sont des exemples que les savants nous donnent pour nous expliquer que les attributs d'Allah Azza wa Jal sont parfaits, et la manière qu'on a de se comporter par rapport à ces derniers. Ça, c'est un grand point par lequel les gens de la sunna se différencient à ceux qui vont à l'encontre de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est leur position face à l'association dans toutes ses sortes. Leur position face à l'association dans toutes ses sortes. Allah Azza wa Jalla a certes envoyé ses messagers et a fait descendre ses livres, comme nous l'avons expliqué au début du cours, afin de les appeler à son adoration seule et sans associé, afin de réformer leurs croyances. Comme il le dit Tabaraka wa Ta'ala dans le sens, dans son livre, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلِيَجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons certes, dans le sens approximatif de ces paroles, nous avons certes envoyé à chaque communauté un messager afin qu'il leur dise adorez Allah et écartez-vous de la ta'route. Ceci est la raison pour laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé ses messagers et avec eux a fait descendre ses livres. Et il dit aussi tabaraka wa ta'ala wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, et adorez Allah et ne lui associez rien. Comme ceci, Allah tabaraka wa ta'ala nous a expliqué le but de la création de l'homme et des djinns, où il dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai certes créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Allah Azza wa Jalla nous a créés afin que nous l'adorions. Et il a envoyé ses messagers, a fait descendre ses livres afin de nous rappeler cette chose, là, le but pour lequel nous avons été créés. Et Adam alayhi salam était sur la religion de l'islam, une religion pure, il adorait son Seigneur seul et sans associé. Comme cela, ses enfants, pendant 10 siècle, comme il est venu dans le récit rapporté d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, comme dans le sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, où Ibn Abbas nous dit qu'il y avait entre Adam et Nuh alayhi salam, Nuh qui est le premier envoyé aux gens de la terre, le premier messager, il y avait entre Adam alayhi salam et Nuh alayhi salam 10 siècles. Ces 10 siècles étaient sur At-Tawhid, l'unicité d'Allah Azzawajal, l'adoration d'Allah seul et sans associé. Et ensuite, à l'époque de Nuh alayhi salam, est venu les premières personnes qui ont associé à Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans ce texte qui est long, ce récit qui est long, qui est rapporté par Ibn Abbas radiallahu anhu, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, il explique comment ceci est arrivé, c'est-à-dire qu'il y avait des gens, dans le résumé de ce récit, le fait qu'il y avait des gens du peuple de Nuh alayhi salam qui étaient des gens de piété et de science. Lorsqu'ils sont morts, les gens du peuple de Nuh, afin de se les rappeler, se sont dit les uns les autres, c'est plutôt comme il rapportait Ibn Abbas, que Shaytan leur a insufflé de faire des idoles. À la base, ce ne sont pas des idoles, ce sont des sculptures. On n'appelle pas ça des idoles à ce moment-là. De faire des sculptures de ces personnes-là afin de se rappeler ces gens pieux et ces gens de science de cette communauté. Et après cela, les gens sont morts et le reste des gens de science sont morts et ont disparu. Et les gens ont oublié la science de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et ont commencé à adorer ces statuettes. À partir de là, elles sont devenues des idoles. Donc ces idoles qui ont été adorées du peuple de Nuh, que Allah azzawajal nous raconte leur histoire dans cette surah qui porte le nom de ce prophète Nuh alayhi salam, la surah numéro 71 de son livre tabaraka wa ta'ala. Et bien dans ces idoles, à la base, ce n'était que des sculptures que les gens de ce peuple avaient fait pour se rappeler de leurs ancêtres qui étaient morts. Comme au jour d'aujourd'hui, on peut voir des gens qui prennent des photos ou qui font, même chez les gens, chez les non-musulmans, qui font des sculptures et qui érigent des statues en mémoire à leurs morts et à leurs grandes personnalités qui sont mortes. Comme cela est arrivé le shirk, l'association dans la descendance de Adam alayhi salam. Et bien sûr, le shirk, comme vous le savez, est le péché que Allah azza wa jalla ne pardonne pas, comme il le dit dans son livre tabaraka wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dans son sens approximatif de ces paroles, certes Allah ne pardonne pas à celui qui lui associe et il pardonne à qui il veut en dessous de cela, en dessous du shirk, de l'association à Allah azza wa jalla. Et c'est pour cela que les gens de la sunnah et du groupe du consensus, face à l'association et à toutes ces sortes d'associations, mettent en garde, éduquent les gens sur, c'est-à-dire leur position par rapport à l'association et à toutes ces sortes, et le fait de mettre en garde contre celle-ci, et à appeler les gens à l'adoration d'Allah seul et sans associé, à réformer les croyances comme les prophètes et les messagers l'ont fait avant eux, comme les savants qui sont les héritiers des prophètes le font jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et cela est la position des gens de la sunna par rapport à l'association et à toutes ces formes. Toutes ces formes qui sont comme le fait d'invoquer autre que Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de lui demander de l'aide, le fait de lui demander la protection en dehors d'Allah Azza wa Jal, à un homme, à un djinn, à un prophète, à un pieux, à une personne qui n'est pas un pieux, à une pierre, à un arbre, etc. Le fait de demander ces choses-là, qui sont des adorations qu'on ne voue que à Allah Tabaraka wa Ta'ala, le fait de les demander à autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ceci constitue une association. Eh bien, la position des gens de la sunna est le fait d'éduquer les gens à revenir vers l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala seul et sans associé, et le fait de les mettre en garde contre ces formes d'association, ces formes d'association qui peuvent être répandues et même chez les musulmans de nos jours, ces formes d'association comme le fait d'invoquer des morts dans des tombes comme on dit des sidi dans tel et tel pays, d'aller les voir et de faire des du'a, car ce sont des gens pieux, des gens qui n'entendent pas ces du'a. Les gens qui n'entendent pas ces du'as. Comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des hommes, aujourd'hui est mort dans sa tombe. Et les gens qui viennent pour toucher la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et demander le baraka, ou lui demandent à lui, alors qu'il est mort, d'intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal pour telle et telle raison, ça c'est quelque chose qui rentre dans l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Plutôt, on doit se tourner vers Allah tabaraka wa ta'ala, lui demander de faire que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour nous au jour du jugement. Et on ne se tourne pas vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'intercéder auprès d'Allah pour nous, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort et n'entend pas ces du'a. Et comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, la yaquluna Allah. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diraient Allah assurément. Et ceci était l'appel bien sûr de l'ensemble des messagers et celui des savants après eux, et il nous convient de suivre ce chemin qui est le chemin des croyants, le fait d'appeler au tawhid, à l'unicité d'Allah Azzawajal, et de mettre en garde contre ces associations qui sont répandues. Et si vous vous étonnez que ces formes d'associations, comme le fait d'adorer, c'est-à-dire d'invoquer, parce que l'invocation, comme le dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Inna du'a'a huwa l'ibada » Certes, l'invocation est l'adoration. Le du'a, c'est l'invocation, c'est même le pilier de l'adoration. L'invocation est même le pilier de l'adoration. Une personne qui va invoquer autre qu'Allah Azzawajal, en dehors de lui, a certes voué une adoration à autre que son Seigneur, il l'a certes associé à lui, tabaraka wa ta'ala. Et si vous m'avez donné que cette chose soit, on en parle comme d'une chose qui est dans notre communauté, la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ummatul islam, ummatul tawhid, la umma de l'unicité, eh bien, car c'est une chose qui est arrivée depuis de longues années dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il nous convient de redoubler d'efforts afin d'appeler nos pères et nos mères, nos frères et nos sœurs à revenir vers l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala et délaisser l'association sous toutes ses formes. Et pour illustrer cela, avant de terminer ce point, on rappellera ce hadith qui est rapporté par ce grand compagnon qui est Abu Waqid al-Laythi radiallahu anhu, et ce hadith qui est rapporté dans Sunan Tirmidhi et autre que lui, dans le livre de Sunan, qui est jugé authentique par Shaykh al-Albani rahimahullah, où il dit « Kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu hadithu ahdin bi kufra » Nous sommes sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a Hunayn, donc vers la bataille de Hunayn, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes des gens qui viennent de se convertir. Nous venons de rentrer dans l'islam. Walil mushrikeena sidratun ya'kifuna 'indaha wa yanuduna biha aslihatahum. Et les associateurs ont un jujubier, un arbre, c'est-à-dire c'est un arbre, le jujubier, une sorte d'arbre, un jujubier auxquels ils accrochent leurs armes et auxquels ils font une retraite spirituelle, c'est-à-dire qu'ils restent auprès de lui. Pourquoi ? Pour demander al-baraka, pour demander la bénédiction, pour que leurs armes soient plus fortes que cela, ils les accrochaient à ce jujubier. Donc ils demandent une chose qui est que entre les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. وَلَا تُشْرِكِنَا سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عَنْدَهَا وَيَنُطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Et nous avons dit au messager d'Allah, اِجْعَلْ لَنَا ذات أنواط أو يعني dans le hadith il dit يقال لهم ذات أنواط, c'est-à-dire les mouchrikoun ils l'appelaient ce jujubier ذات أنواط, c'est le nom qu'il leur avait donné, ذات أنواط. Et donc ce sahabi Abu Waqid al-Laythi il dit رضي الله عنه يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Oh messager d'Allah, pour nous donne-nous un jujubier, un jujubier sur lequel nous allons accrocher nos armes, comme les associateurs ont un jujubier sur lequel ils accrochent leurs armes, sur lequel ils accrochent ses armes, afin qu'ils les rendent plus puissantes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Allah Akbar, laqad qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Vous avez, il a fait le takbir, c'est-à-dire qu'il a dit Allahu Akbar. Vous avez certes demandé, comme les fils d'Israël ont demandé à Moussa, et il a lu ce verset où Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ses paroles, fais de nous, donc c'est la parole des gens des enfants d'Israël à Moussa, fais de nous, donne-nous une divinité comme eux, ils ont des divinités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam après cela de dire, vous suivrez certes les traces de ceux qui vous ont précédé. Vous allez certes suivre les traces de ceux qui vous ont précédé, pas à pas, jusqu'à ce que même s'ils rentraient dans le trou d'un lézard, eh bien vous les suivrez dans ce trou. Ça c'est l'annonce de la prophétie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que les gens de cette communauté vont suivre les gens des communautés qui les ont précédés jusqu'à ce qu'ils rentrent dans le trait d'un lézard et nous allons les suivre. Cela montre l'importance de bien faire attention à cela, de se dire que l'association à Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas une chose lointaine. Nous sommes des musulmans, walillahilhamd, nous connaissons al-tawhid, nous savons ce que ça veut dire de ne pas associer à Allah azza wa jalla. Ça c'est une erreur et c'est une chose par laquelle c'est une porte que vous ouvrez à Shaytan, par laquelle il va rentrer et il va exploiter cela. Regardez l'imam de Mouahidin, de ce qui unifie Allah tabaraka wa ta'ala, Ibrahim alayhi salam, qui avait peur pour lui et pour ses enfants. Il disait Rabbi jmini wa baniya an na'bud al-asnam. Dans le sens approximatif de ces paroles, ô mon Seigneur, fais que je sois écarté d'adorer les idoles ainsi que mes enfants. Et cette personne-là, c'était Ibrahim alayhi salam, un messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'imam le père des messagers et l'imam de l'muahidin, de ceux qui unissent Allah azza wa jalla dans l'adoration. Et pourtant, il avait peur pour lui et pour ses enfants de tomber dans le shirk, dans la situation. Donc, il nous convient à tout à chacun de faire attention à cela, d'appeler à l'unicité d'Allah azza wa jalla, d'appeler à réformer les croyances et de mettre en garde contre l'association et toutes ses formes. Mettre en garde chacun à notre niveau, c'est-à-dire à ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, les gens de ta famille, les gens de ta maison et les gens qui t'entourent, tes voisins, etc. Ceci est le deuxième point qui caractérise les gens de la sunna à ceux qui vont à l'encontre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va terminer le cours par le troisième point. Ce troisième point que on a duré un petit peu aujourd'hui, Inch'Allah, on va le remettre pour la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, c'est leur position, la position des gens de la sunna face à l'imam des musulmans et l'imama et l'allégeance qui leur est due, l'allégeance qui est due aux imams des musulmans, que ce soit l'imam comme à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de ses califes bien guidés, c'est-à-dire un imam qui dirige l'ensemble des musulmans, ou l'imam qui est désigné comme étant gouverneur d'un pays, comme par exemple les chefs, nos chefs d'État au jour d'aujourd'hui, comme les rois qui dirigent les pays musulmans, ou les présidents, les chefs d'État au jour d'aujourd'hui. Quelle est la position du musulman par rapport à eux, par rapport aux imams, et comment se placer par rapport à l'allégeance qui leur est due? Et ceux qui ont été à l'encontre des gens de la sunna dans cela, et parmi eux cette grande faction qui est la faction de l'Khawarij, ceux qui estiment, ceux qui traitent les musulmans de mécréants et qui rendent mécréants aussi les gouverneurs des musulmans et qui se permettent de sortir et de les combattre avec l'épée, c'est-à-dire qu'ils se révoltent contre eux. On expliquera ça au prochain cours, Inch'Allah, parce qu'on a duré un petit peu pendant ce cours, du fait de l'introduction qui était importante, et on va passer un petit rappel avant la prière, un petit rappel sur les règles de Zakat al-Fitr. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.